Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et le deuxième chroniqueur inspiré par les explosions aux États-Unis est Philippe Rioux. Le chimiste en lui a plongé dans la chimie de ces explosions. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour. Donc avec les derniers événements à Boston, l'explosion de l'usine d'engrais au Texas, j'ai décidé d'aller un peu plus en profondeur parce que c'est des événements qui tuent énormément de gens. En fait, les événements accidentels tuent souvent plus de gens que les événements terroristes en soi. Et il y a plusieurs explosions historiques importantes qui ont été causées par des engrais chimiques, mais aussi d'autres produits. Et j'ai décidé, dans le fond, d'aller plus en profondeur sur la nature des explosifs en général. Et donc, est-ce qu'une usine d'engrais est particulièrement propice à exploser? Ouais, ben c'est ça le problème, c'est que souvent oui. En fait, le tout est centré sur l'azote. En fait, les plantes ont besoin d'azote pour construire leurs acides aminés, puis qui servent à produire les protéines. Et l'azote a une particularité vraiment importante, c'est qu'il préfère être sous forme gazeuse. Deux atomes d'azote liés ensemble sous forme de N2. Et c'est pas vraiment un hasard en fait que notre atmosphère soit composée à 80% d'azote. L'azote aime ça être comme ça, fondamentalement. Donc, il y a seulement certaines plantes qui sont capables de fixer l'azote, comme qu'on l'appelle. Ce qu'on veut dire par fixer, ça veut dire prendre l'azote de l'atmosphère et l'amener sur une forme organique ou minérale qui va être assimilable par les plantes. Donc, c'est quand même rare et on utilise ça, dans le fond, on utilise les engrais pour enrichir les champs. Mm-hmm. Mais donc, il y a certaines plantes qui sont capables de fixer l'azote d'elles-mêmes, donc l'azote atmosphérique, elles sont capables de fixer. Mais est-ce que c'est suffisant pour elles pour croître? Ben, c'est suffisant, ça dépend en fait qu'est-ce qu'on veut dire par suffisant. Et c'est là que les engrais interviennent, dans le sens que les engrais, dans l'agriculture moderne, la quantité d'azote, phosphore et potassium, mais surtout l'azote, c'est l'élément, disons, souvent qui est limitant au niveau de la productivité. Puis c'est là que les engrais viennent aider. Ils sont faits par la réaction de l'azote qu'on fait réagir avec de l'hydrogène sous haute pression. Et ça donne de l'ammoniac, comme mon collègue en a parlé un peu plus tôt. Et l'ammoniac, c'est comme le point de départ de tous les engrais chimiques. C'est la cause numéro un. L'ammoniac, c'est un gaz toxique, comme on l'a dit. On peut pas vraiment l'utiliser comme ça. De toute façon, les plantes elles-mêmes peuvent pas vraiment l'utiliser sous cette forme-là. Il serait asphyxié et endommagé par l'ammoniac comme ça. Donc, on le lie avec une autre forme d'azote, on le lie avec le nitrate, qui est une forme un peu opposée. Donc, on obtient une poudre blanche utilisée comme engrais qu'on appelle le nitrate d'ammonium, qui est le produit qui explose de manière assez violente. Donc, c'est un composé qui contient deux atomes d'azote liés ensemble, mais qui ont des propriétés opposées, qui ont une polarité opposée. Et avec un accès au nitrate d'ammonium, les plantes poussent plus vite, ils sont plus productives et donc il y a plus de profit. Et c'est ce qui, en fait, permet de nourrir autant de gens sur la planète. Il y a énormément de pétrole et d'énergie qui est utilisée à produire cet engrais-là. Mm-hmm. Et c'est un des piliers, en fait, de la modernité qu'on ne parle pas vraiment souvent, mais sans ça, on ne pourrait pas avoir 6 milliards d'êtres humains qui mangent autant de nourriture. Mm-hmm. Donc, le problème, c'est le nitrate d'ammonium. Et le problème, c'est que c'est explosif. Mm-hmm. Donc, on en produit en quantité importante un engrais qui est aussi un explosif, en fait. Parce que tout à l'heure, Mustapha parlait de 25 tonnes. Alors, je ne sais plus si c'était... On parle de... Oui, dans une usine, là. À l'échelle mondiale, on parle de millions de tonnes là, qui sont produits sans arrêt. Et ça, depuis un siècle. Donc, on vit avec le fait qu'on produit en quantité astronomique un explosif, mm-hmm. en fait. Et le fait que le nitrate d'ammonium n'est pas utilisé comme explosif, c'est parce qu'il est trop instable, en fait. Ouais. Les gens qui utilisent des explosifs veulent des composés qui explosent seulement lorsqu'on les force à le faire. Mm. Ça diminue beaucoup les risques à les utiliser. Donc, le nitrate d'ammonium, c'est une molécule qui est comme inconfortable, en fait. C'est vraiment deux atomes d'azote qui se regardent droit dans les yeux avec un désir vraiment intense de s'unir et de retourner sur forme gazeuse. Le pire, c'est que les deux atomes dans ce composé-là ont des polarités opposées, ce qui rend vraiment la décomposition en azote gazeux encore plus facile. Et c'est ça un explosif, dans le fond. C'est un composé qui dans le fond, désire être sous forme gazeuse et qui a juste besoin d'une petite poussée pour réaliser son rêve de redevenir gazeux. C'est ça un explosif, un composé, une substance dans laquelle il y a tous les éléments nécessaires à une combustion ou à une décomposition en un seul et même lieu. Cette proximité-là, ça permet la réaction de se faire à une très grande vitesse et dans le fond, c'est la vitesse de la réaction qui détermine si c'est explosif ou non. D'accord. Puis donc là, de ce que je comprends pour le nitrate d'ammonium, c'est qu'on n'arrive pas bien à contrôler cette réaction. Donc, pour les gens qui veulent faire des explosions, ils ne peuvent pas vraiment décider du moment où et quand ça va exploser. Disons, l'armée n'utilise pas du tout ces produits-là parce que c'est simplement trop dangereux. Ils ont des produits beaucoup meilleurs qui résistent au feu et au choc encore mieux. En tout cas, de l'engrais chimique, c'est pas très difficile à trouver. Cependant, donc on dit, bon, le nitrate d'ammonium, c'est peut-être pas l'explosif idéal, mais vu que l'engrais chimique, on en trouve facilement, ça en fait sûrement un produit de choix quand même pour les gens qui veulent faire des explosions et terroriser la population. Tout à fait. En fait, le meilleur emploi pour devenir terroriste à la base, c'est probablement être fermier, en fait. Parce qu'un fermier a accès à beaucoup d'engrais chimiques, a accès à du carburant et a accès à des explosifs légaux pour faire du terrassement. Et il y a des explosifs plus élégants et plus violents qu'un nitrate d'ammonium, mais c'est vraiment la cause numéro un de plusieurs complots terroristes parce qu'il est facile à trouver. Une bombe assez destructrice peut être faite avec du nitrate d'ammonium autour d'un baril de diesel. Timothy McVeigh a utilisé ce genre d'engin-là pour faire exploser un immeuble fédéral à Oklahoma City en 1995. Il a tué 160 personnes avec ça. Et il avait lui-même un accès à du matériel de ferme, en fait. Mais en dehors des complots terroristes, le nitrate d'ammonium est fondamentalement dangereux. Et l'explosion de la semaine passée au Texas le démontre encore. Et l'enquête est toujours en cours. Mais ça serait vrai. Moi, ça me surprendrait pas du tout que l'usine ait gardé en fait des stocks importants de nitrate d'ammonium à cause de la violence de l'explosion. Personnellement, ça me surprendrait que ça soit juste dû à de l'ammoniac. Il y a clairement quelque chose d'un peu plus violent qui s'est passé à cet endroit-là. Puis il y a eu plusieurs incidents majeurs qui ont impliqué le nitrate d'ammonium, mais c'est pas le dernier, ça sera vraiment pas le dernier en tout cas. La triste réalité là, c'est que faire une bombe, c'est pas vraiment difficile en fait. Et plusieurs produits courants peuvent être utilisés pour en faire une. Évidemment, pour un chimiste comme moi, c'est un protocole comme un autre en fait, faire des explosifs ou même une bombe. C'est sûr que ça a une difficulté supplémentaire à cause des précautions qu'il faut prendre parce que quand on fait une erreur, on peut perdre des doigts. Mais avec des instructions disponibles sur Internet, presque n'importe qui peut le faire. Et est-ce que c'est facile au point d'en faire par accident, par exemple? Oui. On pourrait manipuler des engrais sans intention malveillante, mais qu'on se trouve dans les conditions qui sont les conditions explosives. Oui, en fait, l'acide nitrique est un acide qui est relativement souvent utilisé en chimie pour plusieurs choses, et l'acide nitrique a tendance à mettre des groupements nitro un peu partout. Si vous connaissez des molécules chimiques qui ont le groupement nitro à l'intérieur, qui est comme par exemple la nitroglycérine, du TNT qui est du trinitrotoluène, c'est souvent ajouté avec de l'acide nitrique. Et un des plus primitifs qui a été fait, c'est la nitrocellulose, en fait. C'est vraiment simple. Il suffit juste de tremper du coton dans de l'acide nitrique avec un petit peu d'acide sulfurique, mais principalement de l'acide nitrique. Et le scientifique qui a popularisé ce mode de production-là l'a vraiment découvert par accident. Il a fait un dégât d'acide nitrique sur une table. Ensuite, il a pris un linge qui traînait, qui était fait en coton. Et il a ramassé son dégât. Et ensuite, sa femme a lavé le linge, l'a fait sécher juste au-dessus du poêle à bois. Et aussitôt que le linge a été sec, il a explosé dans la cuisine. Il a brûlé de manière extrêmement violente. Et c'est là qu'il a découvert qu'on pouvait faire des explosifs avec seulement de l'acide nitrique et du coton. Ouais. Et il y a certaines armes à feu primitives, en fait, qui utilisaient cette forme de cartouche-là qui était essentiellement de la nitrocellulose. Donc là, bon, il y a des explosifs qu'on peut faire avec des engrais ou des produits d'usage courant, mais j'imagine que les explosifs en tant que tels, donc ils sont vraiment pour faire, par exemple, qui sont utilisés dans les travaux d'ingénierie, par exemple, c'est quand même des produits qui sont contrôlés. Oui, au niveau légal, les les explosifs ont souvent des cases spécifiques, dans le fond. Si on regarde, il y a les produits contrôlés, il y a souvent des catégories exclusives pour les produits explosifs. Parce qu'il faut, c'est ça, faut pas oublier qu'il y a vraiment une utilité aux explosifs. C'est pas juste des instruments de terreur. Ben oui. C'est à la base de tous les grands travaux d'ingénierie moderne qui impliquent l'aménagement d'un terrain rocheux, de manière générale. Et le danger est vraiment dans l'intention. Et les explosifs, ce n'est qu'un outil disponible. On peut faire des attaques avec des produits neurotoxiques, des produits biologiques. Mais on peut pas quand même nier l'aspect spectaculaire qu'offrent les explosifs. Et c'est sûr que c'est préférable que ce soit dans des feux d'artifice que dans une foule qui regarde un marathon, par contre. Oui, c'est vrai. C'est une juste remarque, ça. Oui. Effectivement. Ben, merci beaucoup. Oui. mais on aurait pu terminer le marathon par un spectacle de feux d'artifice, oui, par exemple. Avec la même charge explosive. Ouais, exact. Ouais. Ben, merci beaucoup, Philippe, merci. Sur tous ces renseignements sur les engrais, les différentes sortes d'explosifs. Alors maintenant, c'est l'heure de la publicité sur CKRL au 89.1 et au retour, on parle des Wawarons de la Colombie-Britannique.